suis le dissident, celui qui ne milite ni à droite ni à gauche, mais qui se lève à chaque grande injustice, celui que les petites injustices empêchent de dormir. Je suis celui qui ne perd pas son temps à pleurer sur les martyrs de la cause et fait le pied de nez aux anciens combattants de 1468. Je suis celui qui refuse de se battre contre le pouvoir sur des terrains choisis par lui, mais qui porte le combat ailleurs, sur des terrains que le pouvoir ne s'est pas encore appropriés. La récupération, c'est après le bâton, la carotte de la répression. Je suis le journal parallèle qui ne se laisse pas maquer par la publicité et abandonne aux masses merdias le soin d'enfoncer les portes que nous avons ouvertes, qu'elles s'appellent Prévert, Pliouch, Écologie, Pollution, Contraception. Je suis le pied de Malville, pas la main. Comme le 1er mai, quand il tombe un dimanche, comme la neige sur la Provence. Je suis la montre sauvage qui autogère le temps de vivre. Je suis la brebis du Larzac qui se refuse au bélier de l'armée française. Je suis la chèvre des communautés qui dit crotte à la fraiseuse de chez Renault. Je suis le miroir solaire qui dit merde à l'énergie nucléaire. Je suis le soldat, le lycéen et le bougnoul quand il n'accepte plus les coups de pied au cul. Je suis de ces handicapés qui ne veulent plus être des assistés, et non ces assistés qui en deviennent handicapés. Je suis la langue d'oc, ou d'ailleurs, quand elle me parle enfin d'avenir, je suis cette jeune fille qui, la première, n'a pas eu honte de son nom dans un procès d'avortement à Bobigny. Je suis les 343 salopes. Je suis une lutte qui, après des lois votées, des lois violées, se poursuit encore aujourd'hui. Comme le 1er mai, quand il tombe un dimanche, comme la neige sur la Provence, les dissidents, je suis le médecin qui n'aime pas le malade, mais le bien portant qu'il va devenir. Je suis le magistrat qui a fait d'une audience une tribune, sacrifiant sa carrière pour une vraie justice. Je suis les jurés qui crèvent le mur du silence pour dénoncer les pressions d'un Salomon millésimé. Je suis le footballeur capé qui aurait refusé sa sélection pour l'Argentine. Je suis le coureur nègre qui lève son poing ganté sur un podium olympique. Je suis celui qui dénonce dans les singeries criminelles d'un Amin Dada ou d'un Bokassa, la caricature de tant de siècles de pouvoir blanc. Comme le 1er mai, quand il tombe un dimanche, comme la neige sur la Provence, les dissidents, je suis celui qui dénonce derrière les photos d'enfants en vacances, les procédés Kodak mis au point pour tuer davantage d'enfants au Vietnam. Je suis celui qui ose dire à une speakerine de publicité qu'elle tue aussi bien que le tourneur d'obus, et au tourneur d'obus qu'il assassine aussi sûrement que celui qui tire le canon. Je suis le guitariste à qui l'on a coupé les doigts dans un stade du Chili. Je suis l'étudiant qui s'est cramé devant les chars russes de Prague. Je suis l'objecteur hurlant dans le silence de sa prison pendant que les prolétaires de tous les pays, enfin unis dans l'aveuglement, s'entrégorgent au profit des marchands de canons. Je suis tous ceux qui se lèvent tout debout et ouvrent leur grande gueule, armés des droits de l'homme ou bardés de musique pour dénoncer où qu'elle se trouve L'oppression. L'oppression.